J'achète une belle paire de pinces au lieu de faire ça avec mes petits doigts. Moi, je le sais que c'est avec la paire de pinces, c'est plus intelligent de travailler avec la paire de pinces que de travailler comme un niaiseux. Mais avant, si ça avait été vous de 7-8 ans, je me serais senti mal. J'aurais dit, ben, moi, vous donnez un exemple. Là, je vous donne des exemples. Je rencontre un de mes amis, moi, qui est très riche, une fois. Il passe à la rue de la montagne, puis il klaxonne, puis il dit, Bernard, il dit, veux-tu un lift? J'ai dit, non, plus tard, plus tard. Le gars, il est en grosse Rolls Royce. Fait que tu comprends, dans mon état, dans ce temps-là, les petits anges avec les grosses ballons puis les cheveux blonds, tu penses pas que je t'apprends à embarquer d'une grosse Rolls Royce? J'ai marché comme un maudit niaiseux. Parti du bas de la ville jusqu'au coin de Papineau puis Chabrol. OK? On est niaiseux de même. Mais aujourd'hui, tu me demandes pas, Bernard veut-tu un lift? Parce que son Christ de charge va l'acheter. Comprends-tu, je veux dire? C'est ça que je veux dire. Alors, ce qui arrive, c'est que la compréhension du jeu sur notre mental qui crée l'incertitude, sur notre émotionnel qui crée l'insécurité, éventuellement, nous amène à développer une sorte d'entêtement, c'est-à-dire une sorte d'intelligence, c'est-à-dire une sorte de volonté, c'est-à-dire une sorte de vision tellement claire qui est notre état mental, qu'on ne peut plus souffrir. Fait qu'à ce moment-là, naturellement, tu es bien dans ta peau. C'est pour ça que je dis, quand vous vivez une incertitude ou que vous vivez une insécurité, watchez-la. Parce que de l'incertitude et de l'insécurité, c'est créé de toutes pièces par eux autres dans vos corps. C'est mis dans vous autres, ça. Vous êtes plugué à ça, ils vous mettent ça dedans, votre mental et dans votre émotionnel. Vous autres, vous réagissez psychologiquement à ça. Vous êtes dans le voile de votre ego et vous en souffrez. OK, ça c'était bon de savoir. Mais de le réaliser, c'est un autre paire de manches. Parce que pour le réaliser, il faut pouvoir le défaire, ça. Pour le réaliser, il faut pouvoir le défaire. Puis pour pouvoir le défaire, ça veut dire que chaque fois que tu t'envoies une petite vibration dans le mental, que tu t'envoies une petite vibration dans l'émotionnel, d'insécurité, il faut que tu sois capable, toi, de voir instantanément à travers du jeu. Fait que là, tu vois à travers du jeu, puis tu vois à travers du jeu, puis une autre fois, puis une autre fois, puis une autre fois, puis une autre fois, puis une autre fois, puisqu'ils vont s'essayer de toutes les façons, à toutes les sauces, pendant des années de temps. Votre souffrance, elle est là, puis elle devient plus grande, puis elle devient plus grande. Puis un jour, vous êtes plus capable de souffrir de cette insécurité-là dans l'émotionnel. Vous êtes capable de souffrir de cette insécurité-là dans le mental. Vous connaissez pourquoi vous êtes insécure dans l'émotionnel. Vous connaissez pourquoi vous êtes insécure dans le mental. Vous mettez la hache dedans. À ce moment-là, ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Et quand je dis que la conscience cosmique ou les intelligences qui sont sur ces plans-là, qui fusionnent avec nous autres, n'ont plus de pouvoir sur nous, je veux dire quoi? Je veux dire qu'à ce moment-là, l'homme commence à se servir de leur énergie pour son bénéfice sur la Terre ou dans les terres. Mais avant que l'homme soit capable de vivre de leur énergie et de briser leur pouvoir sur lui au niveau mental, à travers l'insécurité mentale ou l'incertitude, et sur le plan émotionnel, à travers l'insécurité émotionnelle, ça prend un maudit bon nombre d'années. Vous le savez, vous le vivez à tous les jours, votre insécurité et votre incertitude. Puis vous accroche tout le temps. Puis vous accroche, puis vous accroche, puis vous accroche, puis vous accroche. Puis il va vous accrocher jusqu'à temps qu'il ne pourra plus vous accrocher. Puis quand il ne pourra plus vous accrocher, là, à ce moment-là, le travail est fait. Là, ils sont contents. Ils sont contents. Ils disent, c'est ça qu'on voulait. Comme des niaiseux. C'est ça qu'on voulait. T'as raison. Tu gueules, t'as raison. Tu nous traites de cochon, t'as raison. Tu nous traites de chien, t'as raison. Mais, là, ils sont contents. Il y a des gens qui ont moins d'insécurité dans l'émotionnel et d'incertitude dans le mental, mais tous les hommes en ont. Parce qu'un homme qui n'a pas d'insécurité dans l'émotionnel et d'incertitude dans le mental, c'est un homme qui est tout automatiquement dans l'intelligence cosmique. À ce moment-là, ben, la vie est sous son contrôle. Il fait ce que lui veut, pas ce que les autres veulent. Puis c'est bien subtil, ça. Puis moi, je sais que l'homme doit leur arracher. L'homme doit leur arracher son droit de vie avant de pouvoir en bénéficier. Puis leur arracher, ça veut dire en arriver un jour à être tellement dans son intelligence, dans sa volonté, tellement clair, tellement libre de l'incertitude et de l'émotion, de l'insécurité à l'émotion, qu'à ce moment-là, il fait ce qu'il veut. Fait que là, s'il s'agit d'une paire de pinces, il s'agit d'une paire de pinces, qu'il y a une petite vibration, ça ne fait rien. Il y a sa paire de pinces. Parce qu'un jour, l'homme ne doit plus sentir de vibration en lui. Alors, vous êtes inconscient, vous ne savez pas ce que c'est les vibrations. Vous devenez conscient, c'est une des vibrations. Puis quand vous arrivez à être intelligent, il n'y a plus de vibrations. Parce que quand tu es rendu dans ton état mental, que tu es rendu intelligent, puis qu'il y a une vibration, s'il y en a une vibration, ça veut dire automatiquement que vous allez souffrir. Parce que la vibration fait souffrir l'homme. Parce que ce que c'est que ça veut dire, la vibration? Ça veut dire l'ajustement de vos corps. Une vibration perçue veut toujours dire l'ajustement de vos corps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Fait que quand tu es rendu assez évolué, là, tu n'as plein de casse d'avoir tes corps ajustés, ton chapeau ajusté. Là, tu vas à pas. Tu t'organises à ce moment-là, volontairement et intelligemment, dans ta vie, dans ton intérêt vital, pour ne pas avoir à subir de choc vibratoire. Puis ceux qui sont marqués pour aller dans l'éther vont subir l'énergie, vont le sentir, vont subir des conditions d'énergie beaucoup plus que les autres parce que sont plus préparés vibratoirement à ça. Mais les autres le subiront aussi. Mais un jour, faut que l'homme ne subisse plus la présence en lui des chocs vibratoires. Puis quand tu subis plus en toi-même la présence des chocs vibratoires qui créent ces changements-là, là, t'es bien. Fait que si je vous donne l'exemple de la paire de pinces qui t'envoie cette petite vibration-là, ça veut dire qu'ils peuvent vous accrocher de bien des façons. C'est pour ça que c'est très important pour nous autres de comprendre et de réaliser dans notre état, dans notre expérience, pourquoi est-ce qu'on sent d'insécurité? Puis pourquoi est-ce qu'on sent de l'incertitude dans notre mental quand on le vit? Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes en 12e année, vous autres, puis vous rencontrez un gars qui a un doctorat ou qui est à l'université. Vous allez sentir de l'incertitude dans votre mental. Même de l'insécurité dans votre émotionnel. Quand vous allez voir des médecins, c'est tout de big shot pour vous autres. Les avocats, c'est tout de big shot. Tant que vous ne serez pas capable dans votre vie de rencontrer un roi, un pape ou un président de pays et ne pas vibrer dans votre mental et dans votre émotionnel, vous ne serez pas dans votre état mental. Parce que automatiquement, vous serez impressionné par l'autre. Et quand tu es dans ton état mental, il n'y a pas un homme qui t'impressionne, tu n'es pas impressionnable. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas dans ton émotion et ton intellect. Ce qui fait que vous êtes impressionné quand vous rencontrez le maire à Montréal. J'ai rien dit. Ça a passé trop vite. C'est que... Il y a une réflexion dans le mental. Quand vous allez en cours, vous voyez les juges, les avocats. Quand un gars a une certaine prominence, automatiquement, vous êtes assujetti à une autre personnalité. Pas bien de même. C'est pas parce que vous n'avez pas d'éducation ou une grosse éducation que vous devez vous sentir diminué devant quelqu'un qui en a une grosse éducation. Moi, vous dites, je t'en ai. Bon. Ils disent qu'ils parlent pour les hommes, là. Ah, ils sont fatigués. Quand tu commences à être niaiseux. Parce que quand on vit de l'incertitude dans le mental ou de l'insécurité dans l'ego, on perd de l'intelligence. Aussitôt qu'on vit de l'incertitude ou de l'insécurité, on perd de l'intelligence. C'est fort. Ça veut dire que ils sont pas capables, eux autres, de connecter avec nous autres cette énergie-là. Quand le canal est ouvert, ça marche. Là, on y goûte, là. Mais tant que le canal, les canaux sont pas ouverts, là, comme chez les gens inconscients, c'est très difficile pour les autres de faire la connexion. Alors, on perd de l'intelligence et automatiquement, on est obligé de fonctionner en fonction d'une fausse intelligence ou d'une intelligence limitée ou d'un émotif qui est totalement subjectif. Y en a-t-il parmi vous autres qui sentent, qui sont moins affectés, qui se sentent moins diminués quand ils rencontrent des gens qui sont plus éduqués que les autres? Y en a-t-il qui ont vu la différence, qui ont senti la différence? Ça, c'est subtil, cette illusion-là, hein? Ça rend les gens malheureux, pour rien. Aussitôt qu'on a de l'incertitude et de l'insécurité, on perd de l'intelligence. Et quand on perd de l'intelligence, on diminue notre capacité d'être bien dans notre peau. Automatiquement. C'est vibratoire, ça. C'est pour ça que j'ai déjà dit, j'aime mieux les gens qui ont des têtes de cochon que les gens qui sont trop doux, qui sont trop piétinés dessus. Parce que les gens qui ont des têtes de cochon, au moins, ils vont se défendre. Mais ça ne leur crée pas un état mental de plus, c'est pareil. Mais au moins, dans leur vie psychologique, ils vont souffrir moins d'incertitude et d'insécurité dans l'ego. C'est déjà un plus. Mais c'est pas de la conscience. Alors, dans le domaine de la vie, c'est l'éther mental qu'on a besoin. Parce que c'est là que s'unissent tous les principes de l'homme, la volonté, l'amour et l'intelligence. Alors, une fois que l'homme a ces trois principes-là développés en lui à cause du fait qu'il a un éther mental, ces principes-là arrosent le reste de son être mental, physique, émotionnel, vital. Mais si l'homme est détaché de ça à cause de l'insécurité et de l'incertitude, à ce moment-là, il retarde son évolution, il diminue son intelligence, et en diminuant son intelligence, se comprend de moins en moins. L'homme doit se comprendre parfaitement, et l'homme est capable de se comprendre parfaitement seulement. Il doit se comprendre, et il ne peut se comprendre qu'en fonction du rapport qui existe entre son mental, son éther mental, et son mental inférieur et son émotionnel. Si vous n'avez pas d'éther mental de développer, vous ne pourrez jamais vous comprendre vous-même. Ceux qui commencent à se comprendre un petit peu plus, là, c'est parce qu'ils se développent en eux l'éther mental. C'est l'éther mental, puis c'est vibratoire l'éther mental. Puis quand tu es dans l'éther mental, puis tu es bien dans l'éther mental, tu en arrives à un point que tu n'es plus intéressé à te comprendre parce que tu te sais, anyway, ce que tu fais, c'est ça, puis finalement. Il n'y a plus de support pour ton ego au niveau de l'insécurité et de l'incertitude. Là, tu es bien. Mais c'est un ajustement constant de nos principes, constant, pendant des années. L'éther mental que l'homme a de besoin, que l'homme va développer, c'est ici qui se développe l'éther mental. C'est dans la région de la tête au début qu'il se développe. Puis ensuite, il se développe dans la partie inférieure du corps. Mais il faut qu'il se développe ici avant. Parce que c'est ici, lorsqu'il va être très développé, cet état mental-là, que ça permettra de faire la connexion avec le corps physique de l'homme pour que l'homme puisse commencer à voir dans l'éther. Et ensuite, le reste, ça va aller vite. L'éther mental, c'est une présence constante, permanente, continue et sans fin de l'intelligence dans l'homme. C'est pas une affaire que tu sors, puis tu rentres, puis tu sors, puis tu rentres, puis tu sors, puis tu rentres. L'état mental, quand il est construit, il est indestructible et il demeure. Fait que t'es toujours dans... C'est toujours là. Puis ça grandit, puis ça s'intensifie, puis ça s'intensifie, puis ça s'intensifie, puis ça s'intensifie. Fait que tu vois de plus en plus. Fait que ta conscience humaine devient de plus en plus grande, puis où tu passes graduellement du stage du petit homme au stage du grand homme. Le petit homme étant celui qui souffre d'incertitude et d'insécurité dans l'émotionnel au grand homme qui ne souffre plus d'incertitude dans le mental ni d'insécurité dans l'émotionnel, mais qui est complètement dans son intelligence, ce qui neutralise toute affection ou affliction dans le mental inférieur et l'émotionnel. Si on regarde le côté négatif de l'entêtement, on s'aperçoit que l'entêtement a deux visages. Il y a des gens qui sont entêtés parce qu'ils ont une certaine vanité dans l'esprit, une certaine orgueil, quelque chose. Puis il y a des gens qui sont entêtés parce que ils sont de nature têtus. Alors, les gens qui sont têtus sont des gens qui manquent d'expérience dans la vie. Une personne qui manque d'expérience dans la vie automatiquement va avoir une vie limitée. Tandis qu'une personne qui est entêtée, c'est une personne qui a une certaine vanité dans l'esprit. Et ça, ça va diminuer son intelligence. Fait que dans un sens, c'est plus dangereux d'être entêté que d'être têtu. Il y a des gens qui vont être têtus, puis un jour, ils vont arrêter d'être têtus. Il y a des gens qui sont entêtés toute leur vie. Être têtu, c'est expérientiel. Un enfant, par exemple, il est têtu. C'est son caractère, il a une force de caractère. Mais il manque d'expérience. L'entêté, il y a une force de caractère, mais il y a une limite dans son intelligence. Puis c'est très dangereux, l'entêtement. Une personne peut être têtue, puis éventuellement en arriver à la conscience. Mais une personne qui est entêtée peut en arriver à se bloquer de l'énergie de la conscience. Parce que son intelligence ne sera pas capable de s'ajuster à une haute vibration d'intelligence. L'intelligence universelle, ce n'est pas une intelligence qui se plie aux conditions de l'intellect de l'homme. L'intelligence universelle, ce n'est pas une intelligence qui se plie aux conditions émotionnelles de l'homme. L'intelligence universelle, c'est le pouvoir de la vie dans l'homme. Le pouvoir de la vie dans l'homme. Alors, c'est à l'homme de s'ajuster à ce pouvoir de vie, mais pour qu'il s'ajuste à ce pouvoir de vie, il faut qu'il perde son entêtement. Parce qu'avec son entêtement, il va rationaliser une situation, et en rationalisant une situation, il va empêcher que se fasse la connexion. Et dans l'entêtement, il y a toujours une incertitude de l'intellect. Ce qui crée l'entêtement, c'est l'incertitude dans le mental humain. C'est subtil, ça. Parce que comme je vous disais à soir, on a l'impression que les gens sont entêtés, ne souffrent pas d'incertitude, qui sont plutôt dans la certitude. Ils ne sont pas dans la certitude. Ils sont dans l'incertitude. Qui crée la certitude? La fausse certitude. Et cette fausse certitude retarde le déblocage, retarde la connexion, retarde le développement d'état mental, retarde la belle intelligence, parce que de l'intelligence, c'est très beau. De l'intelligence, c'est très plaisant. De l'intelligence, c'est très fluide. De l'intelligence, c'est créatif. De l'intelligence, c'est dynamique. De l'intelligence, dans l'intelligence, il n'y a pas de heurts. Dans l'intelligence, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de tension dans l'intelligence. L'intelligence ne crée pas de tension. Elle peut créer des chocs, mais elle ne crée pas de tension, l'intelligence. Ça peut créer des chocs, l'intelligence, mais ça ne créera jamais de tension. Alors, si les gens sont dans leur intelligence et qu'ils s'aperçoivent qu'ils créent des tensions, qu'ils n'ont pas cette belle fluidité-là, cette grande patience qui est l'intelligence, toutes ces choses-là, il faut qu'elle fasse attention. Elle n'est pas nécessairement dans l'intelligence. Elle est dans la certitude de son incertitude. Mais elle n'est pas consciente de son incertitude. Elle est simplement consciente de sa certitude. C'est pour ça que c'est subtil, mais c'est l'expérience qui nous le démontre, la réalité de cette connexion, de cette double face entre la certitude et l'incertitude dans le mental. seulement l'expérience. Pas les mots, les paroles. Non. L'expérience. Dans le domaine de l'insécurité émotionnelle, la situation est radicalement différente. L'insécurité émotionnelle provient du fait que l'on a crainte de quelque chose. Ça n'a rien à faire avec le mental. On a crainte de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la force. On n'a pas la force de mettre la vie ou les choses de la vie à notre remorque. On se fait plutôt remorquer par la vie que de mettre les choses de la vie à notre remorque. Là où on réalise beaucoup l'insécurité, vous donner un exemple, parce qu'il y en a toutes les sortes, où on réalise beaucoup ceci, c'est dans le cas du divorce ou de la séparation de corps entre les hommes et les femmes. L'homme, il réalise qu'il n'aime plus sa femme. La femme, elle réalise que son mari ne l'aime plus. Puis là, il se développe une insécurité émotionnelle en elle. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ma part de ma maison, ma part d'ici, ma part de ça, j'ai plus de sécurité, là. Autrement dit, elle vit à la remorque des événements au lieu de remorquer, elle, les événements. Au lieu de dire, OK, ça marche pas avec le bonhomme, c'est correct, m'a m'organiser, prendre un avocat, m'a prendre tout ce que je peux, m'a laisser ce qu'il y a de besoin, puis moi, je vais me trouver un job, puis je vais me former une autre vie. Pour être capable de se dire, il va me faire une nouvelle vie, il va me faire une autre vie, c'est pas fini la vie. C'est pas parce que le pays te laisse que la vie, elle tombe en panne. Alors, ce qui se produit dans le phénomène de l'insécurité émotionnelle, c'est que on est remorqué par les événements au lieu que nous autres, on les remorque, les événements. Fait que si on est moindrement faible dans l'émotionnel, puis en plus de ça, qu'on n'a pas de certitude mentale ou qu'on est très incertain dans le mental, imaginez-vous que l'expérience, on la vit durement, lorsqu'en fait, l'expérience n'est qu'une dénotation que c'est un nouveau changement dans notre vie. Qui fait partie de notre expérience parce qu'on n'a pas suffisamment, on n'était pas suffisamment dans l'intelligence pour être uni avec une personne dans son intelligence. Fait qu'automatiquement, on subit le mariage d'une façon totalement planétaire, totalement émotionnelle, totalement mentale, au lieu de vivre l'union d'une façon totalement intelligente dans l'esprit. Alors, le divorce, les séparations de corps proviennent du fait que les gens ne sont pas dans leur propre intelligence, ils sont dans l'intellect et l'émotion, et c'est ça qui crée les divorces, sans ça, il n'y aura pas de divorce. Alors, à ce moment-là, quand ça se produit, naturellement, c'est une très dure expérience pour les gens, c'est plus dur pour celui qui subit l'expérience que pour celui qui la cause, mais ça revient au même principe, celui qui la subit, il ne doit pas être remorqué, il ne doit pas être tiré comme un soldat qui est tiré par un cheval à terre dans la poussière. Il doit être capable de se relever, puis tenir la crise de cheval, puis l'arrêter le cheval. Puis se faire une nouvelle vie. Les gens ne sont pas capables de faire ça. Là, tout tombe en panne autour d'eux autres. Là. Tout tombe en panne. Fait que l'insécurité dans l'émotionnel, ça va très loin, puis c'est ce qui est de plus piteux dans la vie de l'homme. C'est ce qui est plus... Un homme qui est conscient, puis qui diagnose ou qui voit des gens qui vivent l'insécurité dans l'émotionnel, il n'y a rien qui est plus répugnant pour son intelligence que ça. Il n'y a rien de plus répugnant pour un être conscient que de voir l'insécurité émotive d'un être parce qu'il réalise la distance entre l'être et sa partie supérieure, ou il réalise jusqu'à quel point il y a peu d'éther mental dans cet être-là. Il peut l'aider, c'est sûr, mais il ne peut pas aller bien loin avec. Alors, l'insécurité dans l'émotionnel est une plaie que tous les hommes dans leur vie ont vécu à un certain niveau ou à un autre. Et l'homme ne peut pas vivre l'insécurité dans l'émotionnel et l'incertitude dans le mental et développer un éther. Mais l'expérience de l'incertitude dans l'émotionnel et le choc causé par l'expérience qui le met dans cette situation, comme au niveau du mental, sera la condition qui l'amènera avec le temps à développer un éther mental. Alors, demandez-vous pas si dans votre vie, vous avez eu des chocs au niveau de la mort de vos parents ou des chocs au niveau de la mort de vos bien-aimés ou des chocs au niveau de vos chums, puis vos blondes, puis vos maris, puis vos femmes. Tout ce que vous avez vécu et qui a créé dans votre émotionnel et dans votre mental de l'incertitude et de l'insécurité est une condition vibratoire pour vous amener à dépasser votre condition humaine, pour vous amener à rentrer dans l'intelligence, dans votre intelligence pour développer votre éther, pour qu'un jour vous ne puissiez plus souffrir de telles conditions sur tel plan ou sur tel autre. Bon, à ce moment-là, vous serez bien. Mais il se produit quelque chose quand on subit un choc dans le mental ou dans l'émotionnel. Il se produit comme un genre de déclic. C'est comme si temporairement, on perd conscience. Temporairement, là, on perd conscience. Temporairement. Comment que ça serait une fraction de seconde? On perd le nord. On est déboussolé. Là. Si on avait une boussole, là, il irait de même. Là. Temporairement. Puis c'est le contraire. Quand le choc vient dans le mental ou dans l'émotionnel, aussitôt que ça vient, la lumière dans le mental supérieur devrait s'allumer. Moi, quand je subis un choc au niveau émotionnel ou au niveau mental, il s'allume une lumière dans quelque part ici, là. Là, c'est comme si je dis, là, c'est comme si je me dis, bon, mais tout ce qui est ici qui brouille, qui marche, là, puis tout ce qui est dans le mental inférieur qui marche, là, je l'arrête, puis je vois totalement au-dessus, là. Totalement au-dessus. Que ce soit n'importe quoi, la mort, la famille, n'importe quoi. Je m'en vais tout de suite au-dessus, puis là, je regarde tout d'en haut. Je ne reste pas au niveau de ce que, où ça se passe. Je m'en vais tout de suite au-dessus. C'est ça que j'appelle la neutralité. Je mets mon œil, je me mets totalement en dehors de la situation. Mais l'homme ne se met pas en dehors de la situation. Il agit, puis il patauge dedans. Il y en a qui ont des bottes jusqu'ici en rubber, là, puis ils marchent dans la marde complètement jusqu'à la ceinture. S'ils pouvaient en mettre jusqu'ici, il n'y en a pas de bottes qui vont jusqu'au cou. Ils sont pas capables, de se retirer complètement de la situation, là, puis d'attendre que les corps s'ajustent, que le mental s'ajuste, que l'émotionnel s'ajuste, là, puis que là, qu'ils sentent la vibration de leur intelligence qui est là, qui est supposée grandir, puis là, de prendre des décisions. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Un homme conscient, c'est un général d'armée. L'armée, c'est toute l'armée, puis la guerre, c'est les événements de la vie. Imagine-toi un général d'armée qui panique chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lance une bombe. C'est ça qu'on fait, nous autres. Aussitôt qu'il arrive un éclatement dans notre vie, on panique. Le général, il n'est plus là. Puis on devrait, quand ça se produit dans notre vie, ces conditions qui créent de l'insécurité émotionnelle ou de l'incertitude mentale, on devrait fixer dans le terrain notre expérience et pas bouger pendant. Puis regardez ça bien clairement. Mais c'est ça l'état mental. Qui c'est qui a eu un choc dernièrement dans sa vie? Tiens. Toi? Compte-moi dans ça. Non, compte pas, tu parles trop, toi. Toi? Compte-moi dans, tiens. Moi? Ouais. Ah, oh, ben, j'ai perdu ma job dernièrement. Bon, perdu sa job. Qui c'est qui arrive, tu perds ta job? Tu te dégonfles, tu sais. Parce que tu perds ta job, tu te dégonfles, c'est automatique. L'insécurité, trouver un autre job, peut-être que t'es pas, l'affaire économique est pas bonne, là, ça rentre. Au lieu de te sortir, t'as perdu ta job, t'es bien, t'es off pour deux jours. Tu prends off, ça te permet de te relaxer pour deux, trois jours, parce que les gens qui perdent le job sont toujours contents après, un petit peu après. C'est dans le choc de la perte qu'ils sont pas contents. Puis après ça, ben, tu recommences à regarder, t'en trouves un autre. Parce que le fait de perdre ta job, c'est important parce que ça t'amène à un autre job qui est encore meilleur dans deux semaines et demie. Fait qu'à t'attends, tu fais des mouvements. Mais non, on descend dans la merde de notre job ou dans la merde de notre expérience avec nos bottes, puis là, on souffre. Puis on souffre. On dirait qu'on n'est pas capable de subir des chocs de vie sans paniquer dans le mental et dans l'émotionnel. C'est pour ça qu'il ne se crée pas cet état mental-là. Quand tu commences à connaître ta game à ce moment-là, mais là tu n'es plus capable de subir les chocs de la vie, puis tu montes tout de suite dans les têtes, puis tout de suite dans les têtes, tout de suite dans le mental, tout de suite dans le mental. Éventuellement, que n'importe quel choc, qui se produise n'importe quoi dans la vie, tu montes dans le grenier en haut, puis tu regardes ça de haut, puis tu t'aperçois que tout s'arrange. Fait qu'en développant un état mental, t'en arrives un jour que t'es tellement intelligent que des chocs, s'il y en a, ça te fait plus rien. Puis si la vie te casse les pieds, tu t'organises pour qu'elle te casse pas les pieds. C'est ça la volonté et l'intelligence qui vient du développement de cet état mental-là. Fait qu'à ce moment-là, tu ne souffres plus d'incertitude dans ton mental et d'insécurité dans ton ego. Regardez votre vie depuis 20 ans. Vous n'avez eu des hauts et des bas. Vous êtes encore vivant, on le dit. Hein? Des hauts et des bas, puis des hauts et des bas, puis des hauts et des bas, puis des hauts et des bas. Mais dans le temps, ah, je veux me suicider. Je t'ai écœuré de la vie. Pourtant, on continue encore, on va continuer encore. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui vont gueuler de même jusqu'à la fin de leur vie. Tandis qu'il y en a d'autres, un jour, ils vont arrêter de gueuler comme ça, puis là, ils prennent un autre, ils rentrent dans une autre vie. C'est ça, la conscience. Moi, ma mère, elle gueule, elle va mourir, puis elle va gueuler jusqu'à ce lit de mort. Elle va gueuler jusqu'au bout. Parce que c'est une malle à gueuler. Mais elle n'aura pas pu vivre la conscience de sa vie. Fait que c'est ça, être un petit homme. On ne peut pas se permettre de se décourager quand on se conscientise. Parce que se décourager, c'est être assujetti à notre insécurité émotionnelle et notre incertitude mentale. Le découragement, c'est ça. Le découragement, c'est créé par l'incertitude mentale et l'insécurité émotionnelle. Les deux créent le découragement. Les deux. Et un homme qui peut se décourager ne peut pas être dans son intelligence. Parce que le fait de l'intelligence élimine complètement ta capacité de décourager. Tu ne peux pas te décourager quand tu es dans l'intelligence, c'est impossible. Quand même, si t'arrive n'importe quoi, c'est impossible, tu ne peux pas te décourager. C'est aussi impossible de se décourager quand on est dans l'intelligence que de ne pas se décourager quand on ne l'est pas. Mais se décourager indique une faiblesse de la conscience astrale de l'homme. Et un homme qui est dans l'intelligence pure, qui est dans son intelligence, qui est dans sa volonté, son intelligence, et qui voit des gens qui se découragent à la moindre chose et qui se dégonflent comme des ballons à cause de la faiblesse de leur corps astral et de la délicatesse de leur corps mental, il ne veut rien avoir à faire avec eux autres. Parce qu'un homme qui est conscient ne peut pas vivre avec des hommes faibles. Un homme qui est conscient va vivre, peut vivre, aimera vivre avec des gens qui sont conscients, qui sont forts, qui sont dans leur intelligence, qui ont un éther mental. Sans ça, tout le monde descend. C'est toujours les plus faibles qui vont faire descendre tout le monde. Alors, l'homme en évolution, il est pris entre deux situations. Il est pris entre la situation de subir la vie, puis il est pris entre la situation de la casser la vie, puis un jour, il faut que tu la casses ta vie. Moi, la vie, je l'ai cassée. Je la maîtrise complètement. Complètement, complètement, complètement. Puis si je trouvais un jour qu'il y a un petit coin de vie que je n'ai pas maîtrisé, je le maîtriserais. La vie, je la maîtrise toute. Parce que si je ne pouvais pas maîtriser la vie, c'est la vie qui me maîtriserait. Et l'homme doit un jour maîtriser la vie, ça fait partie de l'évolution. L'homme un jour doit être maître de la nature. S'il pleut trop sur ton terrain, tu dis wow, arrête, là, c'est assez, là. Arrête. C'est ce que l'homme vivra demain. Vous riez. C'est le maître. L'esprit de l'homme est plus fort que l'esprit de la nature. Avant, les Indiens le faisaient avec leurs incantations astrales dans leur rite indien. Tu te rappelles, les Indiens? Là, les natures, ils faisaient pousser les maïs. Mais c'était sous le contrôle de l'astral, des entités dans l'astral. Mais l'homme de demain, ce ne sera pas sous le contrôle des entités dans l'astral. C'est lui qui rend le show. Lui contrôlera les entités sur ces plans-là, puis il dira, wow, c'est assis. Fait que c'est pour ça que vous ne pouvez pas, ceux qui vont vers la conscience, ceux qui vont vers l'intelligence, ceux qui vont vers le développement de l'état mental, vous ne pouvez pas vous permettre de vous décourager. Puis si vous vous découragez encore dans votre vie, il est temps que vous mettiez des X sur le tableau pour les compter les fois que vous vous découragez, jusqu'à temps que vous en arriviez à plus vous décourager. C'est une insulte à votre intelligence de vous décourager. C'est une insulte à votre intelligence. Puis si c'est pas une insulte à votre intelligence, ben c'est parce qu'elle n'est pas là encore. Quand elle sera là, ça sera une insulte à votre intelligence, parce qu'à ce moment-là, vous verrez que vous ne pourrez pas vous décourager. Ils me le disent, ils disent que se décourager, c'est une insuffisance d'intelligence réelle. Autrement dit, c'est un trop-plein d'intellect et d'émotion. Un trop-plein d'incertitude et d'insécurité émotionnelle. Ce qui me fait le plus rire, moi, dans ma vie, ce sont les gens, surtout les gens qui s'intéressent à l'ésotérisme. Les gens qui s'intéressent à l'ésotérisme, puis les pouvoirs, puis la conscience cosmique, puis là. Puis la grosse patente, tu sais, la grosse affaire occulte, là. Qui veulent muter, puis se transmuter, puis transputer. Toute la patente, là. Ce sont ces gens-là qui me font plus rire, parce que ce sont ces gens-là qui, face à face, avec la réalité qu'ils préconisent, tombent en panne. Les gens que j'ai connus dans ma vie, qui sont les... Ça, c'est à exception près. Mais les gens que j'ai connus dans ma vie, qui sont les plus près d'être capables de comprendre puis d'absorber l'énergie qui rentre, sont ceux qui avaient le moins de contact avec la pensée ésotérique. Le moins. Les quelques autres là, qui avaient beaucoup de contact avec la pensée ésotérique ont déjà vécu leur expérience dans... l'astral ou sur les hauts plans, et eux autres ont déjà compris des choses par eux-mêmes, ça leur a été simplement confirmé par moi-même. Mais les gens veulent vivre, ils veulent l'éther, puis ils veulent la patate, ils veulent tout ça, là, ces affaires-là, là. Puis aussitôt qu'ils perdent leur job, ils tombent sur le cul. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Savez-vous qu'est-ce que c'est la conscience cosmique? Moi, vous le dire. J'aime même pas ça, le mot la conscience cosmique. Le contact entre l'éther et l'homme, le contact entre l'éther et l'homme, c'est une condition d'énergie qui fait que l'homme n'est plus. Et quand je dis que l'homme n'est plus, je veux dire que l'homme n'est plus dans la conscience qu'il a de lui-même quand il est dans la cinquième race. Quand il est dans l'évolution. Quand il est dans l'émotionnel et le mental, l'homme n'est plus ceci. C'est ça l'éther. Alors, pour que l'homme aille vers cet état d'esprit, où son esprit est totalement libre de son ego. Ah, ça c'est intéressant. L'esprit de l'homme et l'ego de l'homme, c'est deux paires de manches différentes. L'ego de l'homme, c'est l'accumulation des impressions dans le mental inférieur et dans l'émotionnel, ainsi de suite. Ça forme l'ego de l'homme. Et automatiquement, ça forme le voile de la conscience humaine. L'esprit de l'homme, c'est proportionnel à l'abolition de l'ego de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est proportionnel à l'abolition des impressions dans le mental et dans l'émotion de l'homme. De sorte que l'homme de demain, l'homme qui va vers l'éther, l'homme qui est libre en esprit, est l'homme de demain, le surhomme. Cet homme-là n'a plus d'ego. Dans ce sens qu'il n'y a plus d'impression dans son mental et dans son émotionnel qui le retiennent à la terre matérielle. Et comme il n'y a plus d'impression dans son mental et son émotionnel qui le retiennent à la terre matérielle, il est capable de sortir de son corps physique avec son corps éthérique. De briser les liens moléculaires entre son corps physique et son corps éthérique. C'est ça, l'éther. Fait que les conditions de vie qui se produisent dans vos vies à tous les jours, qui font partie de votre manque d'expérience ou de votre manque d'intelligence, font partie du matériel accumulatif qui doit vous servir au fur et à mesure que vous créez votre état mental. les conditions, vous ayant été expliqué les lois, vous ayant été expliqué les principes, vous ayant été expliqué de toutes sortes de façons, vous pouvez en arriver petit à petit à développer une sorte de résistance émotive et mentale à ces conditions qui vous créent des souffrances dans la matière et qui vous créent l'incertitude et l'insécurité émotionnelle pour qu'un jour vous en arriviez à ne plus en avoir de ça dans le mental puis dans l'émotionnel, de l'incertitude puis de l'insécurité. Là, à ce moment-là, vous commencerez le développement de votre conscience mentale supérieure, de votre mental, de votre état mental, puis à ce moment-là, bien, vous en irez graduellement, lentement, sans heurts, sans secousses, sans trompettes, vers l'éthérique. Le reste, c'est tout, si ça fait partie de votre expérience, le reste, c'est tout vos illusions. Mais vos illusions, il faut que vous en arriviez à les dépasser, vos illusions, même si ce sont des belles illusions. Mais, il y a quelque chose de bien intéressant chez l'homme, c'est que plus une illusion est belle, plus il est toqué à garder. C'est comme des gens qui... Il y a des gens qui ont des pièces d'antiquité. Tu sais, l'antiquité. Tu vas dans la campagne, tu regardes le marqué antiquité, puis il y a des chaises. Là. Les gens, tu t'assieras sur la chaise, tu te casseras le cou. Tu seras obligé d'avoir le chiropraticien. Ça, ils appellent ça de l'antiquité, monsieur. C'est de l'antiquité pour le vrai. Puis les gens vont payer des prix de fou pour ça, pour ça. Parce que moins elle se tient debout, plus le prix est haut. Plus il y a de la valeur. L'Antiquité. Mais c'est la même chose au niveau de nos expériences. Il y a des choses qui sont de l'Antiquité, mais on y tient. On met tellement d'émotivité dedans qu'on y tient. Et ces illusions qui nous sont chères, qui nous sont belles, qui nous sont spirituelles, qui nous spiritualisent, qui nous gardent dans le courant peut-être des affaires futures, ces illusions-là sont justement les formes qui nous empêchent de rentrer et de développer l'état mental. Et elles sont tous sous le contrôle de l'âme, cher monsieur et chère madame. Comment tu dirais au gars? Ben oui. Faut qu'il passe par son expérience. Comment ça lui prendrait 10 ans? Au moins, il dira, ben Jean-Paul me l'a dit un jour. Il avait raison, Jean-Paul. Savez-vous qui c'est qui est le plus triste dans le développement, dans la descente de la conscience supramentale sur la Terre? C'est que tu ne peux pas aider personne. Aider personne. C'est ce qui est le plus triste. Puis savez-vous de ce qui est le plus heureux dans la descente de la conscience supramentale sur la Terre? C'est que tu ne peux pas aider personne. Parce que la conscience supramentale, le mystère de la conscience supramentale, la réalité de la conscience supramentale, le pouvoir de la conscience supramentale, l'éternité, la continuité de la conscience supramentale, la réalité extraordinaire de la conscience supramentale ne se mesure pas par les mots. Elle ne se mesure que par vibration. Que par vibration. Tu peux en parler un petit peu, tu peux en parler, en expliquer des modes. Mais c'est par vibration que ça mesure. Et un homme n'a pas la mesure d'un autre homme. Il n'y a pas deux hommes sur la Terre qui auront la même conscience supramentale, parce que la conscience supramentale, c'est vibratoire. Alors, il y a des hommes qui peuvent la sentir plus que d'autres, mais l'avantage de tous les hommes, c'est que quand un la sent, l'autre y la sent aussi. C'est la seule différence. Mais les deux ne la vivent pas de la même façon. Moi, ma femme est bien consciente, puis moi, je suis bien conscient, puis ma femme a vu sa conscience à son niveau, puis moi, je vis ma conscience au mien. Mais le fait que c'est la même conscience, on est tous les deux dans la même énergie. Parce que tous les hommes ont le plafond. Tous les hommes ont le plafond. Moi-même, tu dirais, ben oui. Plafond. Chaque homme a son plafond. Chacun de vous autres, vous avez votre plafond. Dans 10 ans, dans 15 ans, vous verrez que vous avez votre plafond, puis votre plafond, c'est ça, votre plafond. Mais au moins, votre plafond, il sera haut. Ce sera un plafond cathédral au lieu d'un plafond de poulailler. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez des insécurités dans le mental et dans l'émotionnel, checkez-les, parce que ces choses-là, ces insécurités-là, diminuent votre intelligence. Automatiquement. Osez. Parce que si vous n'osez pas oser, vous ne réalisez pas, vous ne réaliserez pas qu'au-delà de votre crainte de oser, il y a une réalité.